De mon corps confiné, la joie s'en est allée. J'ai dit ce que j'ai vu en ces temps déréglés et pleuré le réel quand, tous, désespérés, nous vîmes tout soudain nos bonheurs enterrés.